plat et vous sentez mauvais, vous avez tous les droits, vous vous croyez aimé, mais vous faites chier, vous faites chier. Putain de vieux, vous me les brisez. Mais vous faites chier, vous faites chier. Putain de vieux, vous me les brisez. Au supermarché, vous faites chier. Vous êtes toujours là quand on est pressé, vous faites chier. Vous vous n'avancez pas, mais vous faites chier, vous faites chier. Putain de vieux, vous me les brisez. Mais vous faites chier, vous faites chier. Putain de vieux, vous me les brisez. Au volant de votre caisse, vous faites chier. Et oui, vous vous traînez, on peut pas vous doubler, vous faites chier. Putain, je vais vous buter, mais vous faites chier, vous faites chier. Putain de vieux, vous me les brisez. Mais vous faites chier, vous faites chier. Putain de vieux, vous me les brisez. Mais vous faites chier. Ça peut rendre. Ah, c'était un pro là. C'était...